Planter un arbre. Прослушайте текст и сформулируйте его основную мысль. Planter un jeune arbre qu'on est allé choisir dans une pépinière est assurément un plaisir. Encore faut-il le mériter, saisir intuitivement, du dedans, ses besoins, son sol, son climat, son exposition. La plante n'est pas un objet, mais un être vivant comme nous, doué d'une sensibilité que l'on ne peut expliquer, mais que l'on a maintes fois constatée. On sent, par exemple, que l'arbre a besoin d'eau, de beaucoup d'eau que poussent ses nouvelles racines qui l'arrimeront. Il lui faudra, pendant l'année qui suivra sa plantation, des arrosages fréquents, surtout lors des sécheresses de l'été. En pépinière, ce n'était qu'un anonyme au sein d'une foule. Le voici maintenant individualisé, personnalisé. Il est devenu notre arbre. Nous le verrons grandir et se développer. On plante pour son propre plaisir, mais surtout pour l'avenir, pour nos descendants. Eux seuls verront l'arbre parvenu à son parfait développement, qui, pour un chêne, demandera une centaine d'années. Sa présence leur rappellera le souvenir de celui qui, jadis, le planta.